إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous bénisse. Nous poursuivons l'étude du livre intitulé l'exposé de la Sunna de l'imam al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et lors du cours précédent, nous avons mentionné les preuves indiquant l'obligation de s'attacher au groupe uni des musulmans. Et après la mention de ces preuves, il apparaît clairement que l'intérêt des gens est dans le suivi de la jama'a. Vous avez certes entendu lors du cours précédent le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agré, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne de s'attacher au groupe uni des musulmans. Surtout que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui évoque l'époque où les troubles seront nombreux. Et avec cela, nous comprenons que s'attacher au groupe uni des musulmans est une protection contre le fait de tomber dans les troubles, les égarements et les passions qui seront répandus à cette époque. Également, s'attacher à la jama'a est une voie qui mène au paradis. De même, le diable est plus éloigné de la jama'a. Lorsque la personne est avec la jama'a, le diable est plus éloigné. Mais s'il est seul, il sera plus proche. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahmahullah, d'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je vous recommande mes compagnons, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis se répandra le mensonge au point que l'homme jugera et témoignera sans qu'on le lui le demande. Pas un homme ne s'isole avec une femme sans que le troisième soit le diable. Attachez-vous à la jama'a et prenez garde à la division, car le diable est avec celui qui est seul et il est plus éloigné de deux que celui qui veut habiter au milieu du paradis s'attache à la jama'a Et celui qui se réjouit de ses bonnes actions et s'afflige de ses mauvaises actions, c'est lui le croyant. Également, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec la jama'a. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, d'après Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et la main d'Allah est avec la jama'a. » Et les intérêts et les profits de s'attacher à la jama'a sont nombreux. Par la suite, l'auteur a mentionné le sujet de la division et l'éloignement de la jama'a. Il dit, rahimahullah, quiconque s'écarte de la jama'a et s'en sépare, a retiré le lien de l'islam de son cou, et il est égaré et cherche à égarer les gens. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont mentionné la lourde menace qui pèse sur celui qui se sépare de la jama'a. Et la cause à cela est que la séparation de la jama'a et la division mènent à d'énormes méfaits et mènent à l'apparition des troubles. Allah subhanahu wa ta'ala dit شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, il vous a institué en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh, ce que nous te révélons, ainsi que ce que nous avions enjoint à Ibrahim, à Moussa et Issa, observez les prescriptions de la religion et ne vous divisez pas en cela. L'observation des prescriptions de la religion est une union, un regroupement est une force. Et c'est également la cause du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion nous indique l'obligation de la jama'a, que ce soit d'un point de vue des textes et également en termes de sens. Quant aux textes, nous avons mentionné certains d'entre eux précédemment. Et quant au sens, nous avons les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi et le pèlerinage, car les corps des musulmans sont unis lors de ces adorations. Il y a dans tout cela une preuve que la religion appelle à l'union. Quant à la division, c'est une chose interdite. Et cela rajoute de la faiblesse à ceux qui se divisent. Et ceci est une cause que les ennemis de l'islam se renforcent contre les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé, après que les preuves manifestes leur furent venues. À cela, un immense châtiment est réservé. Et la question qu'on peut se poser ici, et pourquoi un immense châtiment leur est réservé? La réponse à cela est que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ceux qui se sont divisés avaient la connaissance que la division était interdite. Car il nous dit dans le verset, « Min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat » après que les preuves manifestes leur furent venues. Et donc leur châtiment sera douloureux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Oulaika lahum azabun azim » À cela, un immense châtiment est réservé. Au contraire de l'ignorant, qui ne sait peut-être pas que la division est interdite, et à qui les preuves manifestes ne sont sûrement pas parvenus. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque s'oppose au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala après que la guidée lui est clairement apparue et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ce qu'il aura adopté et le ferons brûler dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Celui qui s'oppose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son vivant et qui contredit sa sunna et n'œuvre pas avec celle-ci et ne la suit pas après sa mort, après que la guidée lui soit clairement apparu, son châtiment sera immense, wal'iyadhu billah. Car la preuve lui est parvenue. Il sait que cette chose est contraire à la sunna. Pourtant, il s'entête à la faire. Il sait que cette action est la sunna. Néanmoins, il la délaisse. Et ces preuves nous montrent clairement que celui qui divise et s'écarte du groupe en ayant la connaissance de l'interdiction de la division, son châtiment sera douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ali Imran: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Attachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ce genre de verset nous indique l'interdiction de la division. Et que ceux qui se divisent en sectes ou en partie ont contredit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum baynahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Cette communauté est la vôtre, une communauté unique, et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Mais les hommes se sont divisés en sectes concernant leur religion, chacun se réjouissant de ce qu'elle détenait. Chacun de ces groupes ont la conviction qu'ils sont sur la vérité et que les autres sont égarés. Et ceci est le cas des gens de l'innovation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces preuves et d'autres que nous n'avons pas cité indique l'interdiction de la division ainsi que l'interdiction de s'écarter de la jama'a. Il en est de même que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la sunna est en accord avec le Coran dans cela, car il y contient de nombreuses preuves quant à l'interdiction de la division et de s'écarter de la jama'a. L'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte dans son Musnad, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a tracé un trait droit puis dit: ceci est la voie d'Allah, c'est-à-dire la voie qui mène à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a tracé des traits de chaque côté de ce trait droit, puis dit: ceux-ci sont des voies. Pour chacune de ces voies, il y a un diable qui appelle. Puis il récita: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, nous avons le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. D'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui voit chez son émir une chose qu'il réprouve, qu'il patiente. Car celui qui sort de la jama'a d'un empan et meurt ainsi, mourra d'une mort de l'époque anté-islamique. C'est-à-dire qu'il mourra comme les gens de l'époque anté-islamique. Car avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens mouraient en étant divisés, car ils n'avaient pas de jama'a et n'avaient pas d'émir à qui ils revenaient. Il ne faut pas comprendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui sort de la jama'a meurt mécréant. Mais cela veut plutôt dire qu'il meurt comme les gens de la période anté-islamique. Également, nous avons le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, d'après Fadala ibn Ubayd al-Ansari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois personnes au sujet duquel il ne faut pas questionner. Il ne faut pas questionner sur ces trois types de personnes, car ils sont tombés dans quelque chose de grave et leur châtiment est rude. Et parmi eux, nous retrouvons un homme qui se sépare de la jama'a, qui désobéit à son gouverneur et meurt désobéissant. Donc l'auteur nous dit: quiconque s'écarte du groupe uni des musulmans al-jama'a et s'en sépare, a retiré le lien de l'islam de son cou et il est égaré et cherche à égarer les gens. Parmi les particularités des gens de l'innovation, on retrouve la division. Tout comme l'une des particularités des gens de la sunna, c'est la jama'a. C'est pour ça qu'on dit les gens de la sunna et de la jama'a. Ahlus sunnati wal jama'a. Car parmi leurs particularités, on retrouve l'union, au contraire des gens de l'innovation. On les appelle les gens de l'innovation et de la division. Ahlul bida'i wal furqa. Et ce que l'imam al-Barbahari, rahmahullah, a mentionné ici, concernant le fait de se séparer du groupe et également la division, ceci est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce sujet. Parmi eux, nous avons le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Amir Abdullah ibn Luhay qui a dit: nous avons accompli le pèlerinage avec Muawiya ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agrée. Et lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, Muawiya s'est levé après avoir prié la prière du Dhuhr, puis dit: certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du livre se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Ils sont tous en enfer, sauf une, et c'est la jama'a. Et ce hadith fut jugé bon par l'éminent savant Cheikh Mourbil ibn Hadi al-Wadi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé « Dala'il al-Nubuwa ». Et ici, nous allons prendre un temps pour mentionner plusieurs points concernant ce hadith immense. Le premier point est que ce hadith est un signe de la prophétie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, car il a informé d'une chose inconnue qui s'est produite comme il l'a informé. Le deuxième point est concernant sa parole, et cette communauté se divisera en 73 groupes. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divise en trois catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle Ummatul Ittiba, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont regroupé la science et la mise en pratique. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont conformés à sa législation. La deuxième catégorie est ce qu'on appelle Ummatul Ijaba. Ce sont ceux qui ont répondu favorablement au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, ce sont tous les musulmans. Et la troisième et la dernière catégorie, Ummatud Da'wa, la communauté du prêche, et ce sont les mécréants. Et la question qu'on peut se poser est: qu'est-ce qui est voulu par le terme communauté dans ce hadith? La réponse à cette question est que c'est la deuxième catégorie qui est visée dans ce hadith, c'est-à-dire Ummatul Ijaba, ceux qui ont répondu favorablement au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il est certes improbable que ce soit les mécréants qui sont visés dans ce hadith. Car avant de citer la division des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la division des juifs et des chrétiens en disant qu'ils se diviseront en 72 groupes. Également, il est improbable que ce soit ceux qui ont eu la science et l'ont mise en pratique. Car ceux qui mettent en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unis et ne sont pas divisés. Il ne reste que Ummatul Ijaba. Le troisième sujet est: quand est-ce que la personne n'est plus considéré comme faisant partie des gens de la sunna et par conséquent devient innovateur? L'imam al-Shatibi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé Al-I'tisam, nous dit que l'homme sort de la sunna pour aller vers l'innovation lorsqu'il contredit un fondement des gens de la sunna. À ce moment-là, on dira de lui qu'il est innovateur. Par exemple, celui qui contredit les gens de la sunna dans les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou encore dans le qadar, ou la foi au jour dernier, ou d'autres sujets parmi les fondements des gens de la sunna. Également, l'imam al-Shatibi, rahimahullah, a mentionné celui qui tombe souvent dans des contradictions, dans des choses partielles. Il ne va pas contredire un fondement des gens de la sunna, mais plutôt, il va les contredire dans beaucoup de choses partielles. Tu vas le voir, par exemple, contredire les gens de la sunna dans un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans un sujet du qadar ou autre. Il va souvent les contredire dans ce genre de sujet, malgré que d'un point de vue général, il reconnaît ses fondements. Néanmoins, il s'est écarté de la jama'a dans ses sujets et il est par conséquent sorti de la sunna. Le quatrième point est concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 73 groupes. Les savants ont divergé. Est-ce que les gens de l'innovation atteignent ce nombre, c'est-à-dire 72, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 73, Ils sont tous en enfer sauf une. Donc les savants ont divergé, est-ce que les gens de l'innovation atteignent le nombre 72 ou non? Et certains savants sont d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait uniquement montrer la grande division et le grand nombre de sectes. C'est pour cela qu'il a mentionné ce nombre. Tandis que d'autres sont d'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer le plus bas degré de division. Et ceci ne contredit pas le fait qu'il y ait plus de sectes et de groupes. Et d'autres ont dit que les sectes atteindront ce nombre bien précis. Le cinquième point, est-ce que ces groupes sont les groupes de base ou bien ils englobent également les branches? Prenons l'exemple de la secte des Khawarij et de la secte qu'on appelle Al-Mu'tazila. Dans ces sectes, il y a d'autres sectes. Par exemple, il y a 20 groupes qui rentrent dans les Khawarij. Ainsi, les savants ont divergé quant à ce sujet. Et il se peut que l'avis le plus juste, comme le disaient certains de nos mashaïrs, est que ce qui est voulu, c'est les groupes de base. C'est-à-dire que les groupes de base atteignent le nombre 72. Car si on compte les groupes qui découlent de ces groupes de base, leur nombre dépasse 72. Par exemple, il y a 20 groupes qui découlent de la secte des Khawarij. Pareil pour les Mu'tazila. Quant aux Shia, la secte des chiites, il y a environ 17 groupes. Donc rien que pour ces trois sectes, on est déjà à 57 groupes. Le septième sujet, est-ce que cette division est dans les fondements de la religion ou cela englobe également les divergences dans la jurisprudence? L'avis d'un grand nombre de savants de la Sunna est que cette division est dans les fondements de la religion, c'est-à-dire la croyance, car les divergences dans le domaine de la jurisprudence ne mène pas à cette menace immense et ne mène pas également à la division. Le huitième sujet, quel est le jugement de ces 72 groupes? Les gens ont divergé en trois avis dans cela. Le premier avis est qu'ils sont tous mécréantes et ils resteront tous éternellement en enfer. Le deuxième avis est qu'aucune d'entre elles sont mécréantes. Et le troisième avis, qui est le plus juste, Inch'Allah, est que certaines d'entre elles sont mécréantes et d'autres non. Tout dépend en vérité de leur innovation. Certaines sectes sont mécréantes, telles que la secte qu'on appelle Al-Jahmiyyah. Également la secte qu'on appelle Ar-Rafida, même s'il y a divergence sur le fait qu'il soit mécréant, comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il a même mentionné dans certains de ses livres, certaines paroles de l'imam Ahmed Ibn Hanbal, dans certaines, il les rend mécréantes, et dans d'autres, non. Également, nous avons la secte d'Al-Qadariyya. Certains d'entre eux sont mécréants. Ceux, par exemple, qui renient la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui disent qu'Allah n'a pas créé les actions de ses serviteurs, tout en affirmant la science d'Allah, les savants ont divergé à leur sujet. Néanmoins, l'avis le plus juste, c'est qu'ils ne sont pas mécréants. En résumé, nous ne disons pas que les 72 sectes sont mécréantes, tout comme nous ne disons pas qu'aucune d'entre elles n'est sortie de l'islam. Nous disons plutôt qu'il faut regarder leurs croyances, leurs paroles et leurs innovations, également les individus, car certains ont la science et d'autres sont ignorants, et le savant n'a pas le même jugement que l'ignorant.